agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Lorsque l'on prononce aujourd'hui le mot de schisme, on évoque plus particulièrement la forme d'islam qui diversifie l'islam proprement iranien du reste du monde islamique. En fait, les origines du schisme remontent aux premières générations de l'islam. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis que l'on répète à satiété la formule fameuse de Gaulle selon laquelle il conviendrait de voler vers l'Orient compliqué avec des idées simples, nous tâchons tous de dégager ces idées-là, et plus que jamais aujourd'hui, lorsque tant de périls ont surgi de ces terres pour obséder notre quotidien. C'est ainsi que nous sommes tentés d'aller chercher du côté de l'opposition entre les sunnites et les chiites, aussi ancienne que l'islam, dans cet antagonisme fratricide, la clé de tous les déchirements convulsifs qui parcourent ces terres et dont les ondes de choc parviennent désormais violemment jusqu'à nous. Dans le même temps, les spécialistes avisés du monde musulman n'ont de cesse de nous mettre en garde et de nous avertir, selon une formule familière aux historiens, que les choses sont plus compliquées que cela et que cette simplicité binaire recouvre toutes sortes d'autres ressorts qu'elle risque de dissimuler et qu'il convient d'aller débusquer au service d'une meilleure compréhension des enjeux. On l'admet volontiers, mais il n'empêche qu'il apparaît de bonne salubrité intellectuelle de commencer par mieux comprendre, puisqu'elle est de toute façon d'importance majeure, la division ancestrale entre les sunnites et les chiites, ses racines originelles, ses développements et sa portée du passé au présent. C'est à quoi nous allons nous employer ce matin en nous appuyant sur la compétence reconnue de Gabriel Martinez-Gros, professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université de Paris-Ouest-Nanterre, qui a le goût vif, comme il convient à ce micro, de faire servir sa science à notre lucidité contemporaine. Et pour commencer, je vous transporte à Bagdad en août 2007. Circuler à Bagdad, c'est ça. Sur cette artère, autrefois commerçante, un slalom démoralisant entre des blocs de béton. Barrage insuffisant cependant pour dissuader kamikazes et kidnappeurs. Les Américains décident donc d'employer les grands moyens. Désormais, un mur de 5 km enserre ce quartier autrefois huppé. Une ceinture de béton pour isoler Adamiya, cette enclave sunnite en pleine zone chiite. On nous dit « le mur va vous protéger ». Les Américains prétendent que les chiites ne pourront plus attaquer les sunnites et vice-versa. Mais la cause de cette division sectaire, c'est eux. Un mur pour éviter ces scènes ordinaires et quotidiennes. Femmes, hommes, parfois enfants, enlevés, mutilés, assassinés, cadavres abandonnés dans la rue. Leur tort, ils appartiennent à la minorité sunnite, les privilégiés au pouvoir du temps de Saddam Hussein. Les chiites aujourd'hui se vengent d'eux. Ce mur devrait empêcher les Irakiens de s'entretuer. Nous rêvons de sécurité. Ils nous disent qu'il faut un mur. Mais comment croire que ce mur est vraiment la solution? Et la surenchère n'en finit pas. Nouvel attentat ce matin contre les chiites à Sadr City, l'immense bidonville de Bagdad. Des murs pour limiter les violences entre sunnites et chiites. Bagdad se transforme chaque jour un peu plus en ville-prison, un enfer de béton. Il y a exactement 4 ans, George Bush promettait ici liberté et prospérité. Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour, Jean-Noël. J'ai choisi pour ouvrir notre conversation un reportage télévisé sur la construction du mur de Bagdad, un reportage de Memona Interman sur France 3, le 21 avril 2007. Nous sommes là 4 ans. Après l'arrivée des Américains. Et cette archive me paraît à la fois propre à illustrer ce qui s'est passé à Bagdad et presque métaphorique quant à l'exaspération de l'opposition là-bas entre chiites et sunnites, ce qui est le sujet de notre émission ce matin. Il est en effet tout à fait judicieux de choisir l'Irak pour l'illustrer, parce que l'Irak d'abord est un pays à majorité chiite. C'est environ 55 à 60% de la population irakienne qui sont chiites. Et avec l'Iran adjacent, l'Irak constitue le bloc chiite central du monde islamique. Alors que Saddam Hussein était, lui, naturellement sunnite. Sunnite, absolument, depuis l'indépendance de l'Irak, c'est-à-dire depuis 1930, ce sont les sunnites qui le gouvernent. Et c'est un sunnisme exacerbé qui a exercé le pouvoir sous Saddam Hussein jusqu'à la grande révolte chiite de 1990-1991, dont on estime que sa répression a coûté environ 100 000 vies après la fin de la guerre entre l'Irak et l'Iran et après la première intervention des Occidentaux dans le Golfe. L'Irak qui est à majorité chiite, bien qu'il ait été longtemps gouverné par des sunnites, et un Irak qui renferme sur son sol les lieux saints du chiisme, c'est-à-dire les deux tombes fondamentales, puisque le chiisme est en large part une religion de la tombe du pèlerinage sur les tombes des saints, c'est-à-dire la tombe d'Ali, le cousin germain et le gendre du prophète, à Najaf, et la tombe d'Al-Hussein à Karbala, le gigantesque mausolée d'Al-Hussein à Karbala, qui est l'objet du principal pèlerinage chiite du monde, dont le nombre de participants égale celui de la Mecque. Et on retrouve tout de suite la question qui divise souvent les spécialistes. Je ne sais pas quel est votre point de vue, Gabriel Martinez-Gros. Est-ce que l'opposition religieuse est fondamentale ou bien est-ce qu'en réalité, sous cette enveloppe, s'affirment des oppositions de caractère plus directement politique, géographique, éventuellement ethnique? Henri Corbin, qui était le grand spécialiste français de ces choses, philosophe, orientaliste, dans la première moitié du XXe siècle, est très clair à cet égard. Et nous allons l'entendre brièvement écouter. La tendance de notre époque nous conduit trop souvent, hélas, à vouloir expliquer un phénomène religieux par des causes non religieuses. On s'est donné beaucoup de mal pour expliquer le schisme par des circonstances politiques, sociales, géographiques ou autres. Ce faisant, on a oublié qu'une chose... Si une religion déterminée existe, la première et dernière raison du phénomène, c'est l'existence de ceux qui la professent. L'explication première et dernière du schisme, ce sont les chiites eux-mêmes. On peut rassembler toutes les circonstances possibles, toutes les causes théoriques idéales, cela ne suffira jamais à donner un seul chiite si tout d'abord n'existe pas concrètement la forme et l'exigence d'une conscience religieuse proprement chiite. Henri Corbin s'exprimait le 8 avril 1957 dans l'heure de culture française. Vous le rejoignez, Gabriel Martinez-Gros? On ne peut qu'être d'accord sur le point particulier qu'il évoque, c'est-à-dire que l'explication d'un phénomène religieux doit être religieuse. Dans le cas du chiisme, force est de constater que c'est d'abord une divergence politique. C'est d'abord une simple divergence politique sur le califat, c'est-à-dire l'héritage de Mohammed, que le parti de Ali, puisque chiisme signifie, chiia en arabe veut dire le parti d'Ali, gendre et cousin germain du prophète, et père des seuls petits-enfants du prophète, réclame pour Ali, tandis que l'aristocratie mécoise, qui a longtemps été réticente à l'égard de l'islam, et longtemps réticente à l'égard du radicalisme d'Ali, lui refuse ce califat par crainte des représailles qu'il pourrait exercer contre elle. Et donc, Ali est dépouillé du califat, au terme d'une injustice aux yeux de ses partisans, bien entendu. Et c'est d'abord purement et simplement un problème politique. Et même une querelle de famille, puisqu'il s'agit d'un affrontement entre le beau-père de Mahomet et son gendre. Voilà, tout à fait, tout à fait. Je m'arrête un instant sur ce que vous dites sur l'origine du mot chiite, qui est intéressante. C'est ce que nos spécialistes, j'allais dire nos pédants, appellent antonomase. Vous savez, c'est une figure de style par laquelle un nom commun finit par être utilisé comme un nom propre. Voilà. La secte, le groupe, autre exemple, Auguste par exemple, ou la Renaissance. Donc saluons l'antonomase et passons. Oui, c'est le parti avec un grand P, comme on parlait du parti communiste autrefois, dans d'autres occasions. Oui, le chiisme, c'est le parti, voilà, à l'intérieur de l'islam. Ce qui dit assez d'ailleurs que son programme politique et son idéologie, qui finit par devenir effectivement une idéologie religieuse, comme le dit Corbin, ont été définis en premier. C'est-à-dire que le sunnisme majoritaire et entre guillemets orthodoxe, puisqu'il se réclame lui de l'orthodoxie, n'a été défini qu'ensuite et par opposition à ce qu'il a défini comme l'hétérodoxie, c'est-à-dire le chiisme. Si on considère la problématique de Corbin, est-ce que l'aspect religieux est fondamental ou est-ce qu'il est un habillage en fait pour d'autres affrontements ? On est toujours tenté de faire un rapprochement avec nos guerres de religion, c'est-à-dire celles du XVIe siècle. Il vient de paraître un livre de Denis Crouzet et Jean-Marie Le Gall sur le péril des guerres de religion, où précisément les auteurs esquissent ce type de comparaison. Est-ce que la ressemblance vous frappe plus que la différence ou le contraire ? Les différences sont probablement plus marquées que les ressemblances, en ce sens qu'au moins que les phénomènes vont dans le temps à l'inverse. Le phénomène des guerres de religion en Occident est d'abord indiscutablement et fondamentalement religieux, avant de devenir un phénomène politique et une guerre européenne, une sorte de guerre civile européenne au début, dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors qu'ici, nous avons le contraire, c'est-à-dire une simple opposition politique qui devient en effet, essentiellement à partir du meurtre du fils d'Ali, Al-Hussein à Karbala, en 680, une véritable opposition religieuse. C'est là que naît véritablement le chiisme, en 680, donc une cinquantaine d'années après la mort du prophète Mohammed. Son petit-fils est assassiné par les opposants au parti d'Ali à Karbala en 680. Et cet assassinat devient, dans la sensibilité chiite, une véritable passion. Tout simplement, un peu comme la passion du Christ. C'est un moment d'une extrême violence symbolique et qui va se manifester tout au long des siècles par des commémorations très spectaculaires, des commémorations de la fête de la Ashura. Et il faut dire que meurt successivement le mari de Fatima, qui est la fille du prophète, Ali. Assassiné. Puis le fils aîné dont on dit qu'il est empoisonné, c'est-à-dire Hassan. C'est vrai. Et ensuite, il y a le martyr de Hussein. Qui est le moment sans doute décisif, et en tout cas celui que la sensibilité chiite a retenu comme décisif, puisque c'est sur ce martyr d'Al-Hussein que s'organise la manifestation religieuse fondamentale encore aujourd'hui du chiisme iranien et irakien, c'est-à-dire la fête de la Ashura, et la seule forme d'ailleurs aussi du théâtre que connaissent le monde islamique, à part peut-être le Karagöz, le théâtre noir turc, c'est-à-dire cette commémoration, cette représentation de la bataille et du massacre de Karbala, où Hussein a succombé. Alors que l'islam est fondamentalement iconoclaste, c'est-à-dire tout refuse les représentations picturales, en revanche, du côté du chiisme, on accepte cette représentation théâtrale, scénique. On accepte ce théâtre, assez comparable aux actes sacramentels de nos cathédrales médiévales, aux représentations de l'évangile de nos cathédrales ou du parvis de nos cathédrales, comme on disait autrefois médiévales. Et il est vrai qu'en Iran chiite, il y a indiscutablement plus de représentations humaines que sans doute dans le reste de l'islam. Au moment des caricatures de Mahomet, on a beaucoup rappelé qu'on pouvait trouver des représentations de Mahomet dans toute une iconographie perse, par exemple. Tout à fait. Et indienne, comme vous venez de le dire. Mais ici se reposera la question que vous posiez il y a un instant, c'est-à-dire est-ce que c'est dû au chiisme ou est-ce que c'est dû à une vieille tradition iranienne ou à une vieille tradition indienne ? Suspendons, si vous le voulez bien, la réponse. Vous parlez de la fête de l'Ashura. En voici un reflet radiophonique sur France Inter. Nous sommes à Téhéran le 29 novembre 1979. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont déferlé en effet ce matin sous la pluie vers les artères centrales de la capitale. Elles venaient pour la très grosse majorité d'entre elles des quartiers et des faubourgs sud de la ville, régions populeuses et pauvres qui ont toujours fourni le meilleur soutien politique à l'ayatollah Khomeini. Et nous avons été les témoins de scènes de flagellation collective à l'aide de chaînes, souvenir du sacrifice infligé à l'imam Hossein il y a 13 siècles. Ce matin, les slogans religieux l'ont très largement emporté sur les slogans politiques. La grande manifestation de demain, l'Ashura, sera vraisemblablement plus politique que religieuse et sans doute aussi plus gigantesque encore. Oui, politique ou religion revient toujours à ce débat. Ce qui est quand même assez caractéristique de la fête de la Rachoua et de ce martyr d'Al-Hussein et du ton qu'elle a donné à la sensibilité chiite, c'est la proximité avec le christianisme, évidemment, que beaucoup, évidemment, dans l'islam ont remarqué. Il est clair qu'une partie des sensibilités chrétiennes s'est reversée dans le chiisme, de la même façon que probablement, après la défaite politique du chiisme au milieu du Moyen-Âge, une partie de la sensibilité chiite s'est reversée dans des courants officiellement sunnites, mais qui retenaient une part de cette sensibilité doloriste, en particulier du chiisme. Alors, il faudrait que vous nous disiez quelles sont les particularités maintenant et les fondements spirituels du chiisme qui différencient cette branche de l'islam très fortement des sunnites. C'est au total très simple. Le point décisif, c'est que les chiites donnent un rôle non seulement politique à partir du 8e, 9e siècle, mais spirituel aux descendants d'Ali et d'Al-Hussein, le martyr de Karbala, dont il faut rappeler, bien entendu, que ce sont aussi les descendants de Mohammed. Mohammed n'a eu que deux petits-enfants, qui sont les deux fils de Ali et de Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, l'idée des chiites, c'est que les descendants charnels d'Al-Hussein ont non seulement la possibilité, mais la mission d'interpréter le Coran, de faire remonter le sens secret du Coran, parce que s'il y a interprétation, c'est donc qu'il y a un sens qui n'est pas apparent dans le Coran, donc de faire remonter le sens secret du Coran, dont leur ancêtre Mohammed n'a donc révélé que le sens apparent, et dans une certaine mesure, un sens subalterne. D'où deux ou trois conséquences extrêmement importantes. D'abord qu'il existe un sens secret, non seulement dans le Coran, mais dans l'ensemble de la création. Dans l'ensemble de l'univers physique, dans l'ensemble des réalités linguistiques, humaines, politiques. Le deuxième point, c'est que cette attitude va favoriser considérablement, évidemment, la recherche scientifique, car la science, ça n'est guère que la langue secrète du monde, après tout. Les mathématiques, ça n'est guère, comme le disait Galilée au XVIIe siècle d'ailleurs, que la langue secrète du monde. Et donc, une très large part des intellectuels islamiques du Moyen-Âge sont de tendance chiite. Cela veut dire que la mission de l'imam consiste à faire connaître l'esprit. À faire connaître l'esprit au-delà de la lettre. Et son niveau ésotérique qui serait révélé, c'est leur privilège, plutôt à une minorité d'initiés, à une élite de la communauté plutôt qu'à tous, non? Alors c'est la faiblesse du chiisme, c'est qu'en effet, cette vérité secrète, elle est révélée par degrés et à des cercles de plus en plus réduits. C'est-à-dire que le chiisme est une religion profondément aristocratique, qui ne révèle les vérités suprêmes qu'à l'imam lui-même et à quelques-uns de ceux auxquels il veut bien faire partager la science qu'il a reçue directement de Dieu, car il est inspiré. Évidemment, pour tous ceux qui ne partagent pas ces convictions chiites, c'est un scandale. C'est un scandale d'abord parce que, évidemment, cette conception fait du prophète de l'islam un personnage presque secondaire. Il n'a fait que révéler le sens subalterne. Ce sont ses descendants qui révèlent les sens réels du Coran. Et ça, évidemment, c'est un scandale. Un scandale que le sunnisme va tenter de réduire en interdisant l'interprétation du Coran. D'où un extrême littéralisme du sunnisme, l'extrême littéralisme de l'islam très majoritaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, est d'abord destiné, ou a été historiquement d'abord destiné, à combattre l'hyper-interprétation chiite du Coran et d'une manière générale de la création. Et l'exaltation de la personne du prophète, qu'on a retrouvée dans l'affaire des caricatures, évidemment. La protestation étant principalement sunnite, en somme. Étant principalement sunnite et aberrante, si on mesure qu'il ne s'agit après tout que d'un homme, en principe, le prophète. Mais de fait, dans la sensibilité sunnite depuis des siècles, la défense du prophète, en particulier contre le rôle des imams chiites, est devenue un des pilier de la foi. Califat, imam, comment définir ces deux vocables? Califat, on en parle plutôt du côté des sunnites, non? Voilà. Califat est préféré par les sunnites parce que les califes n'ont pas les prestiges et les privilèges spirituels que les chiites accordent au contraire aux imams. Les imams sont supposés avoir le droit et la mission d'interpréter le Coran. Les califes sont simplement ceux qui guident la communauté musulmane, mais qui la guident sur un chemin qui a été tracé et entièrement tracé par le prophète Mohammed, qui n'y ajoute rien. On admet, selon les fractions des chiites, plus ou moins grand nombre d'imams. C'est assez curieux. Par exemple, il y a les ismaéliens. Nous connaissons l'Agacan aujourd'hui. Voilà. Qui n'en admettent qu'une fraction. Et puis on arrive à 12. Et le dernier est caché. C'est un enfant. Voilà. Et il faut attendre que celui-ci ressurgisse. Toutes les branches sont organisées selon le même schéma historique. C'est-à-dire la présence réelle d'imams, puis leur, entre guillemets, occultation, c'est-à-dire qu'ils se sont cachés comme toutes les choses précieuses, puisque pour le chiisme, ce sont les sens cachés qui sont les sens précieux et les sens véritables. Donc les imams, en tant que sens par excellence, en tant que sens véritable du monde, sont évidemment cachés à partir d'un certain moment qui diffère selon les sectes du chiisme, comme vous l'avez dit. Pour les uns, l'imam se cache en 765, donc très tôt, au 8e siècle. Pour les autres, il faut attendre plutôt la fin du 9e siècle, 874, pour que l'imam disparaisse. Et ce sont les partisans de la lignée la plus longue qui sont aujourd'hui les chiites. Majoritaire, on les appelle duodécimains parce qu'ils comptent 12 imams avant l'occultation, et des imams restent occultés ou resteront occultés jusqu'à la fin du monde, évidemment. Ils reviendront à la fin du monde pour y apporter enfin la justice dont le monde est privé pratiquement depuis l'assassinat d'Al-Hussein à Karbala. C'est le thème de l'Apocalypse ? C'est le thème de l'Apocalypse, absolument, oui, absolument. Et puis c'est effectivement un thème totalement millénariste qu'on retrouve bien davantage dans le christianisme que dans l'islam sunnite. Et en ce sens, il y a effectivement, comme le dit Corbin, implicitement dans la citation que nous donnions tout à l'heure, il y a une véritable religion chiite, qui est assez différent dans sa sensibilité de la religion sunnite, en effet. Il y a aussi, c'est un trait propre aux chiites, ce qu'on peut appeler une vision dualiste, c'est-à-dire que beaucoup plus que du côté des sunnites, on voit l'histoire de la création comme un combat cosmique entre les forces du bien et celles du mal, entre la lumière et l'obscurité, entre la connaissance et l'ignorance. Et là, évidemment, on retrouve des racines très très anciennes, qui sont des racines iraniennes, puisque les religions dualistes, par excellence, sont les religions de l'Iran antique, de l'Iran pré-islamique, dont on retrouve probablement, en effet, aussi la trace dans le chiisme, parce qu'il faut dire que le chiisme a fini par s'incarner, en effet, et qu'il s'est incarné essentiellement dans ce centre, parce que c'est le centre de la géographie de l'islam médiéval, qui est compris entre, disons, la côte méditerranéenne, le Liban actuel, et la vallée de l'Indus, le Pakistan d'aujourd'hui, avec en plein centre, en effet, de cette géographie, l'Iran et l'Irak. Dans la plupart des pays, ce sont des minorités chiites. Cela va jusqu'à l'Afghanistan, 15% en Afghanistan. En Turquie, 20%. Oui. Au Koweït, comme disait Mitterrand, 20%. En Arabie Saoudite, alors très peu, c'est une minorité qui occupe la partie orientale du pays et dont était issu ce personnage qui vient d'être exécuté, et non sans graves conséquences sur la relation entre l'Arabie Saoudite d'un côté, dominée donc par le sunnisme très largement, et l'Iran qui est chiite. Si on rassemble toutes les communautés sunnites du monde, comme elles ont aujourd'hui tendance, sous la persécution et sous la pression sunnite, à le faire, elles ont tendance à se rassembler, on aboutit à 14-15% de la population musulmane du monde, c'est-à-dire un peu plus de 200 millions de chiites dans le monde, dont le bloc principal est constitué par l'Irak, l'Iran et l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, vous avez là une centaine de millions de chiites environ. Vous en avez probablement 60 ou 70 millions au Pakistan et en Inde proprement dite, en particulier sur le plateau du Deccan. Les autres minorités importantes sont, comme nous l'avons dit, au Yémen, au Liban bien entendu, où les chiites représentent environ 40% de la population. En Syrie, avec la minorité alaouite qui représente environ 12% de la population de la Syrie. En Turquie, entre 15 et 20% sans doute de la population est alévi. Alévi, alaoui, ce sont des façons de dire partisans d'Ali, ce sont des adjectifs de relation du prénom Ali. De façon très significative, la seconde islamisation du monde, c'est-à-dire les pays qui ont été conquis à l'islam après la défaite historique du chiisme au 12e, 13e siècle, ne comporte pas de chiites. Il n'y a pratiquement pas de chiites en Indonésie, il n'y en a pratiquement pas en Afrique noire. Le Maghreb, et il n'y en a pas au Maghreb, bien que le chiisme ait existé au Maghreb, et plus encore en Égypte, puisque l'Égypte a abrité la grande dynastie chiite des Fatimides au Moyen-Âge. Mais tout a disparu, en effet, entre Égypte et Océan Atlantique. Il n'y a plus de chiites. Encore que, tout soit mouvant. La victoire de la révolution iranienne en 79 a amené une petite vague de conversion jusqu'en Afrique noire, hein, jusqu'au Nigeria, où il est né une petite communauté chiite, là où il n'y en avait pas jusque-là. Il demeure que sur la carte, il faut toujours avoir une carte sous les yeux quand on parle de ces choses, on voit très distinctement ce que le roi Abdallah puis Moubarak ont appelé les premiers le croissant, oui. Le croissant des chiites. Les chiites équilibrent en nombre les sunnites entre l'Irak et la Méditerranée, et si vous prenez un monde un peu plus large, ils les équilibrent en nombre probablement entre Turquie et Pakistan. Hein, c'est parce que là, le poids de l'Iran, de l'Azerbaïdjan et de l'Irak fait que compense à peu près le poids de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, qui sont évidemment très majoritairement, et de la Syrie, qui sont très majoritairement sunnites. Alors évidemment, Gabriel Martinez-Gros, nous avons vu les divisions parmi les chiites, il y en a aussi parmi les sunnites, en particulier en Arabie Saoudite. Il y a ces fameux wahhabites qu'il faut probablement définir. Absolument, oui, bien sûr, le monde sunnite représente 85% des musulmans du monde, donc les divisions ethniques, voire de doctrine religieuse sont considérables. Malheureusement peut-être, ce qui exprime aujourd'hui le sunnisme, j'allais dire idéologiquement majoritaire, c'est effectivement ce courant wahhabite qui est né au XVIIIe siècle en Arabie et qui est un courant extrêmement rigoriste et conservateur. Il est issu d'une des quatre grandes écoles sunnites d'interprétation de la loi qu'on appelle les Hanbalites. C'est une très vieille école qui est née en Irak au IXe siècle, mais qui est probablement la plus rigoriste, en particulier la plus anti-chiite, précisément. Hein. C'est une école qui a autant insisté sur la destruction des tombeaux que les chiites ont insisté sur le pèlerinage aux tombeaux. Et c'est très directement contre le chiisme, là aussi, que le wahhabisme s'est défini dans son souci d'éliminer toute trace d'idolâtrie, puisqu'à leurs yeux, le pèlerinage au tombeau des saints, on va dire les saints par chiites par comparaison avec l'Occident, ce pèlerinage au tombeau, c'est de l'idolâtrie, naturellement. Seul Dieu mérite évidemment d'être révéré et adoré. Et donc, toute forme de pèlerinage à des tombeaux humains est une hérésie. Vous évoquez le moment bref d'une domination chiite, c'est au Xe siècle, les bouillides, et ensuite déclin et tentation éventuelle, en tout cas vue du côté sunnite, de coopérer avec les envahisseurs extérieurs. Les chiites ont failli l'emporter, en gros, en effet, au Xe siècle, que Massignon appelait le siècle ismaélien de l'islam, donc le siècle chiite de l'islam. Ils occupent à la fin du Xe siècle, aux alentours de l'an 1000, les pouvoirs chiites dominent, en tout cas aux alentours de l'an 1000, le centre du monde musulman, disons, entre l'Égypte et l'Asie centrale, le sunnisme, les pouvoirs sunnites étant rejetés aux extrémités, et puis l'arrivée des Turcs renversent la situation, ôtent l'essentiel de leur pouvoir aux dynasties chiites, fait du chiisme une réalité minoritaire, au moment même où l'islam est attaqué d'abord par les croisades à la fin du XIe siècle, puis par les Mongols au XIIIe siècle, et les chiites seront constamment soupçonnés par les sunnites de faire le jeu des envahisseurs non musulmans ou des ennemis tout simplement de l'islam, qu'il s'agisse des croisés ou des Mongols. Tamerlan. La situation du XIIe, du XIIIe siècle n'est pas très éloignée de celle d'aujourd'hui. Les chiites, et en particulier l'Iran, qui en est la puissance majeure évidemment, sont accusés par les sunnites de trahir au profit des occidentaux, au profit des indiens, au profit des chinois, au profit de tous les non-musulmans, de tous les ennemis non-musulmans de l'islam, puisque l'islam n'a pas d'ennemis, n'a pratiquement aux yeux des sunnites les plus radicaux que des ennemis infidèles, et avec quelque apparence de raison. Puisqu'en effet, l'Iran acculé est contraint de pacter des alliances avec des non-musulmans. Hein, l'alliance avec l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie chrétienne contre l'Azerbaïdjan, l'alliance avec la Russie en Syrie contre Daesh et contre Al-Qaïda. Et tout récemment, l'accord avec les Américains peut être lu comme cela. Après les années très très difficiles de l'époque Carter, où effectivement, l'Amérique était le grand Satan pour les dirigeants iraniens. À présent, cet accord tout neuf peut inquiéter les grandes puissances sunnites et notamment l'Arabie Saoudite. Bien sûr. C'est une des explications probablement de cette exaspération des relations entre Riyad d'un côté et Téhéran de l'autre. Tout à fait. Alors que nous avons nous l'impression que l'islam, et en particulier l'islam sunnite avec Daesh ou avec Al-Qaïda, nous agresse. L'impression qu'on retire d'une presse tout à fait exaltée, aussi bien en Arabie qu'en Turquie ou au Pakistan, c'est qu'au contraire, c'est le monde sunnite qui est encerclé par ses ennemis, par l'immensité de ses ennemis, que ses ennemis soient l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit l'Occident, et encerclé par les traîtres. L'Iran est accusé, effectivement, par exemple, au Pakistan, de s'appuyer sur l'Inde contre le Pakistan et contre les talibans d'Afghanistan, de s'appuyer, effectivement, ou d'appuyer les Américains. L'Iran, déjà dans les années 80, a été accusé de n'avoir pas participé au djihad afghan contre les soviétiques. D'une manière générale, le sunnisme se juge agressé et encerclé. C'est un peu une des explications de l'émergence de Daesh, qui d'ailleurs, en histoire, on constate presque toujours que le sentiment obsidional, le sentiment d'être assiégé, est un puissant facteur belligène. Il y a un tournant majeur qui est le règne des Safavides en Iran, entre le début du XVIe et la moitié du XVIIIe à peu près. C'est le moment où le chiisme devient une religion d'État, ce qui n'apparaît pas acceptable du côté du sunnisme, et où se développe, vous le disiez tout à l'heure, toute une réflexion, une pensée d'une grande qualité. Écoutons donc cet extrait d'un livre dit de la sagesse orientale, qui est dû au Mollah Sadra, qui remonte au XVIIe siècle. C'est une lecture de Chantal Buig dans Une vie, une œuvre sur France Culture, le 29 septembre 1987. C'est court, mais c'est frappant. Nous prions sur Mohammed, missionné avec le livre de Dieu et sa lumière descendue avec lui sur toute créature, sur sa famille et ses descendants, les imams très purs, préservés des souillures de la nature, les sacro-saints immunisés contre les ténèbres de la connaissance conjecturale par les lumières de la vérité et de la certitude. Ô mon Dieu, ta bénédiction et ta paix soit sur lui, sur eux, sur tous leurs pieux chiites qui suivent leur voie et les ont choisis comme guides. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Qui est ce Mollah Sadra, Gabriel Martinez-Gros? Mollah, c'est le maître, c'est le savant. Oui, c'est le maître Sadra, et on ajoute souvent Shirazi parce qu'il était né à Shiraz, tout simplement. C'est un des esprits majeurs du chiisme iranien. C'est intéressant, la vie et l'œuvre de ce Mollah, parce que à la même époque dans le monde sunnite, il faut bien le dire, et dans le monde ottoman, on n'en trouve pas l'équivalent. Il y a une relative suspension de la réflexion intellectuelle, parce que cette réflexion intellectuelle dans le monde sunnite est déjà jugée suspecte. En tout cas, la réflexion telle que l'amène Mollah Sadra Shirazi, c'est-à-dire une réflexion à partir de l'aristotélisme et à partir des grands mystiques du Moyen-Âge islamique, dont certains ont d'ailleurs été considérés comme des hérétiques, comme le fameux Sohrawardi, qui a été exécuté sur l'ordre de Saladin en 1191 à Alep, et qui est un des inspirateurs de Mollah Sadra. Alors, reflet fidèle de cette sensibilité des années XVIIe siècle, XVIIIe. Oui. C'est l'époque d'ailleurs où naît ce théâtre de la représentation du meurtre d'Al-Hussein. On appelle ça la Tazi en arabe, enfin ou en persan, c'est le même mot. Et beaucoup d'images de Mahomet. Et la création ou la multiplication de ce qu'on appelle en Iran les Hosseiniyeh, justement, c'est-à-dire les sanctuaires, on va les appeler comme ça, qui sont précisément destinés à la représentation théâtrale du meurtre d'Al-Hussein le jour de l'Ashura. Chose insupportable aux sunnites, à l'Arabie et naturellement à Daesh. Il faut ajouter que le chiisme, donc après une défaite politique que lui a infligée Saladin, puisque c'est Saladin qui prend le Caire fondé par une dynastie chiite au Xe siècle et qui abolit la grande dynastie, donc chiite, des Fatimides au XIIe siècle. Après cette défaite, il y a un temps de latence du chiisme qui revient en force, comme vous l'avez dit, au début du XVIe siècle avec la victoire des Safavides et qui établit définitivement un chiisme d'État, c'est-à-dire un chiisme, si j'ose dire, préservé des attaques les plus vigoureuses du sunnisme, hein, puisque désormais il y a un pouvoir d'État qui protège cette religion. Mais du même coup, la religion prend un pouvoir politique qu'elle n'a pas dans les pays sunnites et qui explique en somme le succès de Khomeini au début des années 1980 en Iran. Il y a dans le chiisme ce qu'il n'y a pas dans le sunnisme, c'est-à-dire un messianisme qui conduit presque mécaniquement les hommes de religion chiite à prendre position politique parce que il y a une attente du règne de justice que le sunnisme n'a pas. Hein, il y a très volontiers, très volontairement, dans le sunnisme, un retrait de la politique qui est précisément à la mesure même du fait que les chiites, eux, ont pris parti politique ou prennent parti dans l'arène politique. Et donc, ce que Khomeini accomplit en 1979 a certes été critiqué par beaucoup, y compris dans le monde chiite, parce que ce qu'il a annoncé pratiquement, c'est l'arrivée de l'ère de justice, c'est-à-dire la fin du monde. De fait, il y a une tendance lourde dans le chiisme à prendre, un peu comme dans le christianisme d'ailleurs en fait, hein, à prendre parti pour les pauvres, pour les déshérités et par conséquent pour un soulèvement révolutionnaire qui leur rendrait justice. Quoi qu'il en soit, on voit l'empire ottoman qui est majoritairement sunnite s'opposer de plus en plus clairement à l'empire perse qui est en majorité chiite. Voilà. Et cela va définir plusieurs décennies de cette histoire du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Oui, on l'oublie souvent. On pense souvent que la guerre de l'Empire ottoman ou les guerres de l'Empire ottoman sont essentiellement menées contre l'Europe. Or, en fait, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle surtout, même avant en fait, les guerres de l'Empire ottoman sont d'abord fondamentalement menées contre l'Iran chiite. C'est peut-être pour ça qu'au début du XVIe siècle, il y avait eu un accord fameux entre François Ier, le roi français, et le sultan. Oui, absolument. Mais il y a eu aussi la tentative, à partir du XVIIe siècle déjà, hein, de constituer l'Iran en alliance de revers. Ces tentatives de rapprochement sont intéressantes parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où chiites et sunnites ont tâché de dégager une sorte d'accord, de corpus commun, de conviction et de foi. Et puis, ça n'a jamais bien marché. Ces tentatives viennent presque toujours des chiites, de la difficulté d'être minoritaire en fait, hein, alors que les sunnites ont tendance tout simplement à marginaliser le chiisme. On peut dire que, hors de l'Iran bien entendu, où le pouvoir est chiite, le chiisme devient une communauté, j'allais dire une sorte de communauté protégée, un peu comme les chrétiens ou les juifs. Hein. Il y avait dans le sunnisme, dans l'histoire du sunnisme, un schéma de communauté dominante sunnite qui pouvait admettre l'existence d'autres communautés. C'est cela qui laisse survivre jusqu'aujourd'hui. Enfin, c'est aujourd'hui malheureusement une évolution plus dramatique, les chrétiens d'Orient. Tout à fait. Et cette même évolution dramatique risque de se présenter pour les chiites. Les chrétiens d'Orient, et d'autres avant eux d'ailleurs, ont été victimes d'une sorte d'expulsion violente par l'islam sunnite dans le cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Déjà, il semble bien que, aux yeux de Daesh ou d'autres qui partagent à peu près l'idéologie de Daesh, le tour des chiites soit maintenant venu. En fait, le projet de Daesh est véritablement un projet exterminateur ou en tout cas de nettoyage ethnique à l'égard des chiites dans les pays où ils apparaissent comme gênants, comme par exemple évidemment la Syrie aujourd'hui, voire l'Irak. Hein, il s'agit d'expulser les chiites, en tout cas d'abord dans un premier temps des territoires sunnites, après quoi on verra si on n'envahit pas leur propre territoire pour les y exterminer, puisque les chiites n'ont même pas droit aux yeux de Daesh, et c'est la grande différence avec ce qui s'est passé dans les siècles antérieurs, ils n'ont même pas droit aux yeux de Daesh au statut de minorité dévalorisés ou défavorisés. Hein. Ils se sont des apostats et donc ils relèvent de la peine de mort, tout simplement. Ce qui rend particulièrement significative l'évolution de l'Irak après l'arrivée des Américains. Oui. Puisque, vous le rappeliez tout à l'heure, Saddam Hussein était sunnite, voilà. Alors que la prise de pouvoir a été au bénéfice des chiites et cela est une des causes de l'affrontement que l'on constate aujourd'hui à l'intérieur de l'Irak entre Daesh et le pouvoir en place. Le calcul des Américains était simple et d'ailleurs plutôt justifié a priori, c'est-à-dire que les trois quarts de la population de l'Irak, si vous y ajoutez les Kurdes et les chiites, étaient dans l'opposition à Saddam Hussein, donc il suffisait de renverser Saddam Hussein et le pouvoir de la minorité sunnite qu'il appuyait, le pouvoir serait ainsi rendu à la majorité, c'est-à-dire aux trois quarts de la population. Bon, ben, le quart restant, c'est-à-dire les sunnites, s'adapteraient un peu comme les blancs en Afrique du Sud se sont adaptés à une situation nouvelle, c'est-à-dire au fait que les Noirs majoritaires prenaient le pouvoir. Mais ça n'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que nous ne sommes pas en Afrique du Sud, mais au Moyen-Orient, et que le sunnisme, quoique minoritaire, s'est comporté, bien que minoritaire en Irak, j'entends, s'est comporté en communauté majoritaire, en fait. Comme si l'islam lui appartenait. Si pendant si longtemps, l'Occident a prêter moins d'attention que nous sommes contraints de le faire aujourd'hui à l'opposition entre les sunnites et les chiites, qui est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, c'est probablement à la fois parce que il y avait des tentatives de rapprochement jusqu'au congrès de Jérusalem des années 1930, et aussi parce que le sentiment s'était répandu que la tentation était plus du côté d'un pan-islamisme et peut-être d'une révolution contre les puissances occupantes que du côté de ces débats, de ces oppositions à caractère fondamentaliste, à caractère religieux. Et d'ailleurs, c'est probablement l'esprit de la révolution iranienne selon Khomeini. Khomeini n'avait pas l'intention de faire une révolution chiite, mais une révolution islamique, comme il l'a dit lui-même, et il entendait servir de guide à l'ensemble du monde islamique. Un personnage intéressant, c'est le personnage de Jamal ad-Din el-Afghani au XIXe siècle, l'un des fondateurs du pan-islamisme, qui est entré dans l'histoire sous le nom de l'Afghan. El-Afghani, ça signifie l'Afghan. Alors qu'en fait, il était très probablement iranien, mais il s'est fait passer pour Afghan probablement parce qu'il était encore très conscient, lui, que le fait d'être né chiite limiter la portée de son discours. À la différence de Khomeini. À la différence de Khomeini, il était plus prudent et probablement plus pertinent que Khomeini, en l'occurrence. Khomeini n'a pas vu, et probablement de la meilleure foi du monde, il n'a pas vu que pour la majorité des musulmans, et en tout cas pour la majorité de ses adversaires, de ceux qui ne partageaient pas son discours révolutionnaire, il resterait un chiite. Presque immédiatement, les ennemis de la révolution iranienne à l'intérieur du monde islamique ont insisté, évidemment, sur cet aspect. C'est-à-dire, ne les écoutez pas, ce ne sont que des chiites. On est loin, là, du rapprochement esquissé dans les années 30. À Jérusalem, d'ailleurs, c'est un lieu, à cet égard, naturel pour cet effort de rapprochement qui a assez vite échoué. Tout à fait, c'est la ville de la prophétie, et aux yeux des chiites, les imams sont les continuateurs des prophètes, bien sûr, puisque, à leurs yeux, les imams ont un pouvoir d'interprétation qui vaut pratiquement inspiration prophétique. Et donc, Jérusalem est par excellence, évidemment, pour le chiisme, là encore plus que pour le sunnisme, la ville de l'inspiration religieuse. Parce qu'en somme, du côté des sunnites, les prêtres ont plutôt un rôle d'organisateur de l'expression de la foi, plutôt que de truchement, que d'intermédiaire avec la divinité. Oui, pour tout dire, c'est une religion, la religion sunnite, et sauf lorsqu'elle se manifeste dans les montagnes, les déserts ou les confins, selon la théorie d'Ibn Khaldoun, pour le reste, la religion sunnite urbaine est une religion totalement domestiquée, il faut bien le dire, bien plus que ne l'est l'organisation religieuse chiite, qui a sa propre autonomie, celle des ayatollahs, des ojatollahs d'islam, une autonomie et une hiérarchie assez compliquée, mais qui ne dépend pas aussi étroitement du pouvoir politique que l'organisation, d'ailleurs plus simple, des oulémas sunnites. Vous évoquez, je ne sais pas si on a reconnu le nom en passant, Ibn Khaldoun. Mais oui, vous l'avez tout prononcé à fait. De façon beaucoup plus savante. c'est un thème que vous aimez à développer. Vous l'avez fait récemment dans un livre important qui s'appelle Brève histoire des empires. C'est l'équilibre dans ces pays entre le centre apaisé et la mise en cause par des marges. Est-ce que cette constatation que vous faites, cette observation que vous développez sur des siècles, a une portée du point de vue de cette opposition entre les sunnites et les chiites? Pendant longtemps, il n'en a pas eu, par exemple, le soulèvement qui a conduit l'Iran à adopter la religion chiite, enfin le chiisme comme la religion officielle, est un soulèvement de tribus turques tout à fait comparable à d'autres soulèvements de signes sunnites qu'on a vus ailleurs. Depuis quelques siècles, et peut-être parce que le chiisme s'est identifié au monde iranien, c'est-à-dire à un monde a priori sédentaire, comme dit Ibn Khaldoun, c'est-à-dire raffiné, civilisé, étatisé. Les blocs les plus importants de violence des confins dans lesquels les empires ont puisé leur propre violence et leurs propres forces militaires, par exemple, y compris les empires coloniaux, ont été plutôt des blocs sunnites. Il y a eu très peu de chiites au total, que ce soit dans les troupes musulmanes de l'Empire britannique des Indes ou évidemment dans les troupes de l'Empire colonial français, dans la mesure où l'Empire colonial français au Maghreb et en Afrique occidentale ne rencontrait pas de chiites. Mais en revanche, en Inde, il y en a, et à ma connaissance, il y en a assez peu hein, dans les forces de l'Empire britannique. Ibn Khaldoun, rappelez-nous le temps où il a vécu et écrit. 14e siècle, alors il a vécu entre le Maghreb où il est né à Tunis, et le Caire où il est mort. Alors il convient, Gabriel Martinez-Gros, que nous en venions à la période la plus récente. Et il y a un tournant essentiel, c'est vraiment 1979 avec la révolution iranienne qui vient modifier en profondeur l'équilibre entre chiites et sunnites dans cette partie du monde, plus largement dans l'ensemble de l'islam autour de la planète. Le point décisif, c'est l'initiative révolutionnaire des étudiants de Téhéran. Avec encore du tiers-mondisme, de l'anti-impérialisme, qui se mêle à la préoccupation religieuse, intimement. La révolution de 1979 en Iran a été décrite, avant même qu'elle ne se produise d'ailleurs, par les services secrets du Shah, puis aujourd'hui par les intellectuels qui finissent par donner raison aux services secrets du Shah, comme une révolution islamo-marxiste. Le terme est assez bizarre, on devine mal ce que c'est que l'islamo-marxisme. Ça signifie probablement qu'une large part du programme de la révolution iranienne, et en particulier de sa version étudiante, est en fait inspirée par le marxisme dominant dans les universités iraniennes des années 1960 et 1970, mais que cette revendication prend vêtement islamique, tout simplement parce que ce vêtement islamique est celui qui peut attirer la sympathie et même l'action des masses. Le contraire est aussi vrai, c'est-à-dire que cette révolution religieuse s'habille aussi d'anti-impérialisme. C'est pour ça qu'un certain nombre de nos grands intellectuels s'y sont un moment trompés. On pense naturellement à Michel Foucault. Mais oui, tout à fait. Il n'avait pas entièrement tort, enfin dans la vision qui était la sienne et que on n'est pas obligé d'approuver, évidemment, hein, ça va de soi. Mais il est clair que l'anti-impérialisme, ou plus exactement l'anti-américanisme forcené des étudiants de Téhéran en 1979, l'attaque de l'ambassade américaine, la croyance au complot généralisé de l'Occident, laisse à l'Occident le premier rôle, laisse aux États-Unis le centre de la scène. Et ça, c'est le tiers-mondisme. C'est encore le tiers-mondisme. C'est l'idée que l'Occident, dans toute sa malfaisance, est nécessairement et toujours au centre du monde. C'est le mouvement des déshérités qui est créé par Moussa Sadr. Qui est d'ailleurs un imam libanais. D'une manière générale, la révolution iranienne se conçoit comme une révolte des déshérités contre un centre qui reste l'Occident. Et c'est ça le point décisif, hein. C'est une révolte fondamentalement anti-impérialiste, j'allais dire banale au XXe siècle, hein, tout à fait comparable aux révoltes de l'Amérique latine sous le castrisme et Che Guevara. Il y aura d'ailleurs entre la révolution islamique d'Iran et les régimes de gauche latino-américains, et il y a encore aujourd'hui des relations qu'on peut trouver étranges si on ne mesure pas que cette révolution chiite islamique d'Iran, cette république islamique d'Iran a été au départ profondément une république tiers-mondiste, hein, tout simplement. D'où sa faiblesse. D'où sa faiblesse aux yeux des sunnites. Sa première faiblesse visible, c'est que la même année que la révolution islamique en Iran, 1979, les soviétiques, à la fin de l'année, envahissent l'Afghanistan. Et que, pris par un anti-américanisme obsessif, qui ne peut être que dans un climat encore de guerre froide en 1979 qu'une sympathie, une forme de sympathie pour l'Union soviétique, les Iraniens ne vont pas participer. pour l'essentiel au djihad afghan, ne vont pas aider les moujahidines afghans dans leur lutte contre les soviétiques, d'autant qu'ils se méfient, alors là c'est une très vieille méfiance historique, d'un Afghanistan pachtoun, afghan tout simplement, hein, c'est la majorité de la population de l'Afghanistan, ce qu'on appelle les pachtouns, qui est sunnite et profondément méfiant à l'égard de l'iranité. Là aussi on peut parler d'Ibn Khaldoun, l'Iran c'est la sédentarité, la centralité de ceux dont les pachtouns sont les confins et la bédouinité. Si c'est là qu'on retrouve les oppositions de caractère géopolitique en profondeur, en dehors même, Gabriel Martinez-Gon, en dehors des oppositions religieuses. Là, en l'occurrence, le sunnisme et le chiisme recouvrent totalement une opposition entre les civilisés au centre, j'emploie tous les guillemets que vous voulez, bien entendu, et les barbares, c'est-à-dire les Afghans, aux confins. Et donc, la première faute de l'Iran, c'est de ne pas participer au djihad afghan. Vu par les sunnites, bien entendu, hein, bien sûr. Mais ce djihad afghan, c'est une des grandes victoires de l'islam, puisqu'au total, une des premières puissances du monde, hein, l'Union soviétique, est obligée de se retirer de l'Afghanistan au bout de 8 ans de guerre extrêmement meurtrière, d'une guerre qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Et probablement, le djihadisme sunnite aime à le penser, ce djihad afghan a provoqué ou a contribué à provoquer la chute de l'Union soviétique 2 ou 3 ans plus tard. La guerre entre l'Irak et l'Iran dans les années 80, l'Occident n'y a pas toujours prêté toute l'attention qu'elle méritait, a été une guerre de tranchées, une guerre en vérité dramatique. Là encore plusieurs centaines de milliers de morts, et qui a fini par prendre, même si la majorité de la population de l'Irak, et donc la majorité des soldats que mobilisait Saddam Hussein étaient chiites, elle a fini par prendre l'aspect d'une guerre entre le monde sunnite, puisque l'Irak a été soutenu par l'ensemble du monde arabe sunnite, et l'Iran chiite. Sur l'ambiance de ce temps-là, une archive, un témoignage qui remonte au début de la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'est un reportage de France Inter, le 15 novembre 1980. On entend une Iranienne qui exprime, je ne sais pas ce qu'elle éprouverait aujourd'hui, 35 ans plus tard, mais qui exprime avec beaucoup de force ce sentiment patriotique qui se mêle intimement à la différence religieuse. Mon pays est en guerre. Et moi, je participe à la guerre comme toutes les femmes iraniennes, et tous les jours je vais au croissant rouge le matin et l'après-midi dans la tente, dans la rue comme tu me vois maintenant, et on ramasse les médicaments, les habits, tout ce qu'il faut pour les soldats. Alors on trie ce qu'on nous a apporté, chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il a chez lui. Alors on prend le pain, on prend les dattes, on les met ensemble. On fait un sandwich pour que le soldat, il puisse mettre ça dans sa poche. Après, on fait aussi la distribution des médicaments. Et comme ça, tout va au front. Et tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes, ils participent à cette tâche de la guerre. Il y a beaucoup de filles, passe d'art. On fait un entraînement avec le Basij Melli. Ça veut dire l'armée des 20 millions. On s'entraîne, on aide les blessés sur le front, on porte les armes et on se bat. Mais moi maintenant, je suis restée à Téhéran, parce qu'on nous appelle par groupe. Comme tu vois par exemple ce matin, j'ai été à l'enterrement des soldats. Ils avaient ramené 20 cercueils du front, et j'ai été priée avec la foule qui suivait le corps de ces soldats. Parce que c'est la nation entière qui se bat pour défendre la religion des chiites. 35 ans après, que reste-t-il de cette ambiance iranienne dans cet affrontement à la fois religieux mais aussi profondément nationaliste entre l'Irak et l'Iran? Je crois qu'il reste des souvenirs très marquants et très douloureux, parce que la guerre a été très très rude, parce que des centaines de milliers de jeunes Iraniens y ont trouvé la mort, et parce que Téhéran a été bombardé par des missiles irakiens, des Scud, qui ont frappé directement le centre de Téhéran et provoqué de très nombreuses victimes civiles, d'autant que leur arrivée n'était pas prévisible, donc les Scud tombaient à n'importe quel moment. Pour ce qui concerne l'exaltation nationaliste, je pense qu'elle est tombé considérablement. Il est très clair que nous sommes en 1980 dans l'incandescence des premiers mois pratiquement, ou des premières années de la révolution khomeiniste. Aujourd'hui, la majorité de la population est beaucoup plus distante à l'égard du régime, probablement qu'elle ne l'était dans ce moment, comme vous l'avez dit, où le régime incarnait tout simplement l'iranité, la défense de l'Iran. Et puis l'Irak est gouverné par un cabinet qui est désormais chiite. Absolument, il y a désormais, en effet, entre l'Iran et l'Irak, une continuité là où il y avait une opposition. On l'a souvent dit, et on a souvent reproché d'ailleurs, à George Bush d'avoir, par son intervention en 2003, favorisé l'Iran. Mais peut-être dans le monde d'aujourd'hui, où nos adversaires sont essentiellement sunnites, peut-être n'est-ce pas une si mauvaise chose. Évidemment, dans l'intervalle, il y a eu ce phénomène essentiel des deux guerres du Golfe. Il y a eu ce phénomène essentiel des deux guerres du Golfe, hein, et surtout de la deuxième, évidemment, de l'invasion de 2003 de l'Irak, qui a été organisée par les Américains, évidemment avec l'appui des Kurdes, mais nous n'en parlerons pas, et surtout des chiites, avec l'appui en tout cas implicite des chiites du pays, qui ont non seulement accepté, mais favorisé la chute du régime de Saddam Hussein. Et donc, ces chiites ont renforcé la théorie du complot sunnite. C'était très très très évident que ces chiites étaient des traîtres. C'est en Irak que s'est accompli le geste décisif du radicalisme sunnite contemporain avec Al-Qaïda, son chef irakien qui s'appelait Zarqawi en 2005-2006. C'est-à-dire, les chiites sont l'ennemi principal. Il est notable que le terrorisme, le djihadisme qui frappe les pays occidentaux, et notamment la France, s'enracine du côté des sunnites et non pas du côté des chiites pour l'essentiel. Dans les années 80, dans les années 90, on attribuait à l'Iran et à ses partisans l'essentiel du terrorisme, aussi bien au Proche-Orient qu'en Occident. Jusqu'en Argentine. Et jusqu'en Argentine, puisqu'il y a eu un très grave attentat qui n'a jamais été tout à fait élucidé, encore qu'on sache à peu près ce qui s'est passé, contre la communauté juive de Buenos Aires dans les années 90. Mais en fait, aujourd'hui, et depuis déjà une bonne dizaine d'années, évidemment, hein, depuis le 11 septembre 2001, l'essentiel du terrorisme islamiste est un terrorisme sunnite, bien entendu. Et l'Iran est passé au second plan, non seulement du rôle de parrain du terrorisme, qu'il a perdu, au rôle de victime, hein, pratiquement du terrorisme, puisqu'il y a, même si on en parle guère, hein, un terrorisme rémanent, en particulier dans le sud-est de l'Iran, en pays Baloutch, enfin dans les marges sunnites de l'Iran. Eh bien, nous avons bien vu, Gabriel Martinez-Gros, pourquoi l'opposition séculaire, pluriséculaire, il s'agit de plus d'un millénaire entre oui. sunnites et chiites, nous concerne si directement en Occident, évidemment pas seulement d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue très très concret, d'un point de vue civique, du point de vue de notre sécurité et quant à un rôle que nous pouvons avoir dans cette partie du monde. Vous avez publié une brève histoire des empires, comment ils surgissent, comment ils s'effondrent, une problématique très ambitieuse, mais à quoi vous vous répondez. L'édition du Seuil, c'est un livre de 2014 qui dépasse évidemment notre sujet, mais qui le concerne. Vous aviez également en 2004 publié un livre avec l'excellente spécialiste qui est Lucette Valency, je l'ai accueilli plusieurs fois à ce micro. Vous aviez publié un livre qui s'intitulait « L'islam en dissidence, genèse d'un affrontement » que vous avez republié sous un titre légèrement différent, mais personne ne peut s'y laisser tromper. « L'islam, l'islamisme et l'Occident au Seuil » en 2013. Je voudrais signaler le livre, parmi d'autres, que vous pourrez trouver sur notre site, bien sûr, et qui sont également de très bonnes factures. Je voudrais signaler le livre de Mohamed Ali Amir Moedzi et Christian Jambet, le philosophe « Qu'est-ce que le chiisme ?», qui vous permettra d'approfondir des réponses aux questions que nous posions ce matin. Vous pourrez trouver une bibliographie, vous le savez, complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Je pense, je crains que son actualité continue d'être durable. Samedi prochain, nous parlerons des relations entre la Russie et la Turquie. Nous retrouverons l'Empire ottoman. Les relations entre la Russie et la Turquie, cet interminable affrontement que l'histoire nous enseigne. Je recevrai pour en parler Marie-Pierre Rey. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Aude Vassan. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères.